Bonsoir et bienvenue à Terra Incognita. Marc Chonnet et Michel Bilodeau avec vous ce soir. Et on donne le coup d'envoi avec un second extrait d'une nouveauté italienne, c'est-à-dire le nouvel album de Submarine Silence. Le titre de l'album, ça, il faut prendre son souffle, Atonement of a Former Sailor Turned Painter. Et c'est donc, comme je le disais, c'est le second extrait. Et le titre est en français, Les mots que tu ne dis pas. Et puis on aura aussi de Pologne un extrait, c'est le second extrait de Millennium, le plus récent album Hope Dies Last, 18e essai studio pour ces Polonais. Et puis Marc, par la suite, on se dirige du côté de l'Allemagne. Oui, on parle ici de Sen Project, qui est le projet de Chris Engels. Et ce qu'on aura pour vous ce soir, c'est un nouvel extrait du nouvel album Dawnbreak, qui est son troisième, paru en 2024. Après Arcane Sonic et The Story of Enya, on aura pour vous la pièce Eleanor, et ce sera suivi de la formation italienne Blacksmith Tales, qui viennent de faire paraître leur second album Pathway to Hamlet's Mill. On aura pour vous la pièce Key to the Temple, et comme vous le disait Michel, on débute avec un extrait du nouvel album de la formation italienne Submarine Silence. We'll be right back. motion, time that we set sail. We're sorry we left you behind, but we are exploring new routes to be found. It's a changeful story, we may die in time. Through mortal dangers, we have almost died. Or because traps decides that there's no help in range. Go back to the seaport, we are safe again. We're ready, let's cruise somewhere else. Who cares where we're heading? Nothing now makes sense. We must stay go-headed, worst is yet to come. Whatever weather, may we sing the song. If there are no rules on the ship of fools, we're sailors who have faith, we're valiant knights of fate. What does not kill you makes you We shall be prepared if others wish it. We shall be alert to try to stop it. But we shall also do our part to build a world of peace where the weak are safe and the strong are just. We are not helpless before that task. The hopeless of its success, confident and unafraid, we must labor on. dreams that saw you're the hero we've been waiting for. With gentle glance, you make your stand, Eleanor, the honor. Cosmos is the mill that grinds time as above, so below. Mirror of the sky. De retour à Terra Incognita avec Marc Chonnet et Michel Bilodeau, on entame ce second bloc musical avec deux nouveautés américaines. Dans un premier temps, on va avoir une formation qui a pour nom Knob Dug Ensemble et c'est un extrait d'un album qui s'intitule Third. Donc je présume que c'est le troisième album pour ce projet du claviériste et multi-instrumentiste américain Jason Berry. La pièce, vous allez voir, moi en tout cas personnellement, je trouve que Zappa est pas très loin. Et puis tout de suite après, toujours des États-Unis, Days Between Station, quatrième album pour ce duo californien, le titre de l'album Perpetual Motion Machines, et on va avoir la pièce Being avec la participation de la choriste Durga McBroom. La chanteuse s'est fait connaître en participant aux tournées de Pink Floyd de 1987 à 1994. Elle a aussi contribué à l'album de Division Bell. Et puis par la suite, Marc, je pense qu'on a droit à un second extrait d'un album d'un musicien français. Oui, en effet, il s'agit du guitariste Gérald Massois qui vient de faire paraître son second album « Demain à l'aube » qui fait suite à « Vol erratique d'un papillon » qui est paru il y a 7 ans. Et selon son site web geraldmassois.com, on apprend que c'est le second volet d'une trilogie musicale. En allant sur le site de l'artiste, en plus de pouvoir vous procurer l'album, vous pouvez également télécharger toutes les partitions de guitare de cet album-là. Alors pour vous, ce soir, on aura la pièce « Une colline sans nom ». Mais comme vous le disait Michel, on débute d'abord avec la formation américaine « Knob Dug Ensemble ». Thank you. Keeps me busy. De retour à l'émission Terra Incognita, dans le prochain bloc musical, on aura deux formations québécoises, soit Chaos Moon, tiré de leur plus récent album de Goldfish, qui paraît 20 ans après The Circle of Madness, et on aura pour vous la pièce Logger's Tale. On aura également la formation Deep Project, qui est le projet de Stéphane Desbiens, qui a débuté en 2006. Ils ont réalisé 5 albums, et ce qu'on aura ce soir, c'est une pièce du prochain album à venir, qui n'a pas encore de titre, et qui devrait paraître à l'automne 2025. La pièce a pour titre The Road Through the Night. On aura également la formation italienne Melting Clock, tirée de leur plus récent album Altrove, leur second. Et c'est un excellent album. On aura pour vous la pièce Tramonti di Cenere. Et pour débuter le bloc musical, Michel, une nouveauté d'une formation norvégienne. Oui, encore la Norvège. Je pense que ce pays va rester pendant un bon bout de temps encore une fertile pépinière à talent. Et ce soir, on vous présente un extrait du nouvel album de Action Freda. C'est leur second et il a pour titre Lis Fremtid i Mørke. Ce groupe de 6 musiciens fusionne progressif, Canterbury, jazz avec, ma foi, un talent certain. Et ils ne sont, c'est un groupe de 6 musiciens, mais il y a aussi beaucoup de musiciens norvégiens qui contribuent à cet album. J'ai repéré notamment 2 membres de Giorgio et puis aussi de Wobbler, donc un effort collectif à quelque part. Il faut mentionner que le premier album est paru en 2023, mais il a été réédité cette année avec une pièce bonus parce que le groupe a signé une entente avec une maison de disques espagnole, d'où la réédition et la pièce bonus. Et ce soir, on vous propose un extrait du second album, le plus récent, et on va écouter Dalai Lama $5 Mamas, une pièce en 2 parties.

De retour à l'émission Terra Incognita avec Michel Bilodeau et Marc Chaunet. Dans le prochain bloc musical, on aura entre autres la formation italienne Universal Totem Orchestra. Ils ont fait paraître un premier album en 1999, un second en 2008 et leur plus récent, Mathematical Mother, est paru en 2016. On aura pour vous un extrait de cet album qui a pour titre Terra Cava. Et pour débuter le bloc musical, Michel, une autre formation québécoise, mais cette fois-ci qui chante en français et qu'on a eu la chance de voir au mois de mai à Québec. Ils sont de retour. Oui, il s'agit de Vecteur K et le groupe va se produire la semaine prochaine, le 12 décembre pour être plus précis, en compagnie de Carcius à l'Antibar et Spectacle. Et ce soir, on vous présente un extrait de l'album Incident au Café et c'est Incident au Café, deuxième partie. Thank you. j'ai dessiné ton corps. Et si la force du temps me rend plus grand, j'esquisserai sa mort. Thank you. gente non si ama più. No, esce da prima le forze per le tue letture. Tornando ti guardavo il mare, quello che lì non ha più di mare. Il tuo vero volto è velato, ma non per me. La via a te ti porterò, sentiero di luce. Se tu capisci primo, scopo del canto è solo il ritorno al luogo in cui si radia e nel canto la sola. Plus qu'une seule pièce à la feuille de route, et ce soir on conclut l'émission avec Gong et un extrait de I See You, un album qui est paru en 2014. C'est le dernier album auquel a contribué David Allen, qui est décédé l'année suivante. Et on a retenu la pièce When God Shakes Hands with the Devil. C'était Marc Chaunet et Michel Bilodeau avec vous depuis 21h. Merci d'être fidèles au rendez-vous. Évidemment, on vous invite à nous revenir la semaine prochaine pour encore un bon 2 heures de rock progressif. Restez des nôtres, l'autoroute suit dans quelques instants et on vous souhaite une excellente fin de soirée à l'écoute de CKRL. Get beaten better than abused, 'cause they see God. Every-